Chant numéro 5. Nous nous étions déjà séparés de ces ombres, et j'allais en dernier sur les pas de mon guide, lorsque soudain quelqu'un cria derrière moi, en me montrant du doigt. « Tiens, il me semble bien que celui d'en bas tue à sa gauche les raies. On dirait qu'il agit comme un être vivant. » Je tournai le regard au son de cette voix, et vis qu'avec surprise il me dévisageait, moi seul, toujours moi seul, et le rayon brisé. « Pourquoi donc ton esprit s'embourbe-t-il si vite ? » me dit alors mon maître, « et pourquoi t'arrêter ? Qu'importe ce qu'on peut déblatérer là-bas ? Suis-moi toujours de près, et laisse dire aux gens, ferme comme une tour, qui n'incline jamais le front, pour fort que soit le souffle de l'archer. Car celui dont l'esprit va d'un objet à l'autre éloigne constamment la cible de soi-même, et le dernier souci fait oublier les autres. Qu'aurais-je pu répondre alors, sinon « je viens » Et le disant, je crus sentir sur mon visage les couleurs qui parfois méritent le pardon. Cependant, sur la côte, et pas très loin de nous, montaient certaines gens, le long d'un raccourci, verset après verset, chantant le miserere. Mais s'étant aperçu que moi, grâce à mon corps, je ne permettais pas aux rayons de passer, leur chant devint un « oh !» aussi rauque que long. Et deux de ces esprits, faisant les messagers, coururent jusqu'à nous afin de demander « expliquez-nous quelle est votre condition ?» Mon maître leur parla. Vous pouvez retourner et raconter à ceux qui vous ont envoyé que celui-ci possède un vrai corps de chair vraie. S'ils se sont arrêtés pour avoir vu son ombre, comme je pense, alors la réponse suffit. Vous pouvez l'estimer, car il peut être utile. Une étoile, en filant, fend moins vite l'azur au début de la nuit, ou l'éclaire un nuage au coucher du soleil, quand l'été bat son plein, que je n'ai vu courir ces ombres vers leur rang, et de là revenir vers nous, avec les autres, comme des cavaliers lancés à toute bride. Ceux qui viennent vers nous me paraissent nombreux, ils voudront te parler, dit alors le poète. Va donc les écouter, mais toujours en marchant. Âme qui suit ainsi le chemin de la joie, avec les membres vrais reçus à la naissance, criait-il en venant. Attends-nous donc un peu. Regarde si jamais tu vis quelqu'un de nous, pour ensuite là-bas emporter la nouvelle. Hélas, pourquoi vas-tu sans vouloir t'arrêter? Nous avons tous trouvé la mort par violence, et restâmes pécheurs jusqu'au dernier instant, où la grâce du ciel nous vint ouvrir les yeux. Ainsi, nous repentant et pardonnant aux autres, nous quittâmes la vie et partîmes vers Dieu, pressés par le désir de voir sa sainte face. Je répondis, « J'ai beau regarder vos visages, je n'en connais aucun, mais si vous désirez quelque chose de moi, esprit bien fortuné, dites, je vais le faire, au nom de cette paix qu'il me faut rechercher ainsi, de monde en monde, en marchant sur les pas d'un guide aussi fameux. » Alors l'un d'eux parla. « Nous avons confiance quant à ta bonne foi, même sans tes serments, si comme tu le veux, tu le puis en effet. Je te demande, moi qui parle avant les autres, si jamais tu reviens pour revoir les contrées qui vont de la Romagne à celle où règne Charles, d'obtenir à Fanon, par ta courtoise instance, qu'on rappelle mon nom dans toutes les prières pour que je puisse ainsi purger mes grandes fautes. C'est de là que je suis, mais le profond pertuis, par où s'enfuit mon sang, ma première demeure, est venu me chercher au pays d'Anténor, où je pensais pourtant me trouver à l'abri. Celui d'Este est l'auteur, qui m'avait en horreur, bien trop loin au-delà de ce que veut le droit. Mais si j'avais pu fuir du côté de Myra, quand dans Oriane l'ont mis la main sur moi, je serai à cette heure au monde où l'on respire. je courus au marais, mais les joncs et la vase m'empêtrèrent si bien qu'il me fallut tomber et de mes veines voir jaillir un lac de sang. Puis un autre parla. Si le vœu s'accomplit, qui t'attire au sommet de la sainte montagne, viens au secours du mien avec tes bonnes œuvres. Je suis de Montefeltro et mon nom est Buonconte. Mais Jeanne et tous les miens m'ont si bien oublié qu'entre ceux-ci je marche en baissant le regard. Quelle force, lui dis-je, ou sinon quel hasard t'avait donc entraîné si loin de Campaldin que l'on n'a jamais pu retrouver ton cadavre? Hélas, répondit-il, au pied du Cassin, il existe un cours d'eau du nom d'Archiâtre, qui naît dans l'Apennin, plus haut que l'Ermitage. C'est là que j'arrivais, la gorge transpercée. À peu près à l'endroit où cette eau perd son nom, je fuyais seul, tachant la plaine de mon sang. Là, j'ai perdu la vue, et ma parole ultime fut le nom de Marie. Et c'est en cet endroit que je tombais, laissant ma chair abandonnée. Telle est la vérité, rapporte-la là-haut. L'ange de Dieu m'a pris, mais celui de l'enfer criait. Ô toi du ciel, pourquoi m'en prives-tu? Tu remportes ainsi, pour une seule larme qui fait que je le perds, ce qu'il a d'éternel. Mais je saurai du moins comment traiter ces restes. Tu dois savoir comment s'amoncelle dans l'air cette humide vapeur qui se transforme en eau, dès qu'elle monte assez pour rencontrer le froid. Il joignit sa malice et sa soif de mal faire à son savoir, mêlant la vapeur et le vent, par le pouvoir qu'il tient de sa seule nature. Puis, à la nuit tombante, il a fait recouvrir le vallon de brouillard, de pratomagne au joug, et pécissant si fort le ciel au-dessus d'elle, que cet air condensé devint bientôt de l'eau. Il plut alors à verse, et les ruisseaux reçurent toute l'eau que le sol se lassait d'avaler. Et la réunissant dans de grandes rivières, il la précipita dans le fleuve royal si promptement que rien n'aurait pu l'arrêter. Archiâtre gonflé, trouvant à l'embouchure mon corps tout refroidi, le poussa dans l'arnau, décroisant mes deux bras que j'avais mis moi-même en croix sur ma poitrine, avant de succomber. Ensuite il me roula sur son fond, sur sa berge, et il m'ensevelit enfin dans ses dépôts. De grâce, lorsqu'au monde enfin tu reviendras et te reposeras de ton si long voyage, dit un troisième esprit qui suivait le second, rappelle-toi mon nom. Je suis cette Pia que Sienne fit et puis que défit la Marème. Celui-là le sait bien, qui m'avait épousé, m'ayant passé l'anneau comme une chaîne au doigt.